بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين قد أخذنا يوم الخميس درس في الحروف الجراء جدي on a pris quoi le درس sur الحروف الجر طيب ماذا أخذنا من الحروف الجر تذكرها rapprochez-vous les frères c'est bon non restez contre le mur voilà بارك الله فيك بسم الله les frères c'est la révision quand il y a un حرف الجر automatiquement il se termine par كسرة c'est ça la question je me demande c'est quoi le حرف الجر qu'on a pris ah c'est concentrez-vous fi طيب ما معنى في حرف الجر معنى في quel sens a la في la base Tu as compris la question? Fi, quel sens il a? Darfiya, enveloppé. Tu étais là, jeudi? Tu as rattrapé le cours? On va expliquer un peu. Darfiya, Taïb, quel travail elle fait? Écoutez les frères alors. Ceux qui n'étaient pas là, ils profitent des réponses. Mada ta'amel? Très bien. Ma'na satajur, l'ism al-ladi, c'est-à-dire quoi? Il rend le mot d'après, majrour. C'est compris ça? Exemple Filbeit, comme ça. Filbeit. Un exemple. Maintenant, vous êtes capable de donner une petite phrase. Ar-rajulu filbeiti. Très bien. Ar-rajulu filbeiti. Zaydoun filbeiti. Taïb. Barakallahu fikoum. Également, on a pris quoi comme Hafjar et Abdelkarim Ala. Ala. Mada tufid ala Sûr. Sûr, c'est bien. Mais en arabe, tu te rappelles Qui se rappelle en arabe Al-Isti'la. Hein Au-dessus. Un exemple Al-Maktabu al-Maktabi. À voix haute. Al-Maktabu, al-Kitabu al-Maktabi. Al-Maktabi. Taïb. Fi-Ala, ils ont le même sens et ils font le même travail ou à un moment donné, c'est-à-dire ils ont une chose différente C'est-à-dire ils font le même travail. Après, il est majeur. Il prendra une kasra. Mais le sens, il est pareil ? Le sens, non. Ah, très bien. Barakallahu fik. Est-ce que fi, il a toujours un sens de darf ? D'enveloppé ? Non. Hein ? Non. Naam. Le frère, il a dit naam, c'est bon ? Quel sens il a ? Quel sens qu'on peut trouver ? Ouais, mais c'est quoi? Il a un sens de quoi là? Amintu man fi sama, de au-dessus. Taïb, c'est-à-dire le sens ici, Amintu man ala sama, ana au-dessus. Taïb, barakallahu fikoum. Également, je vous ai donné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un sens de quoi le fi bisabab. Hein? Vous rappelez pas de ce hadith là? Dakhalat imra'atun fi hirratin. Une femme est rentrée en enfer à cause de quoi? D'un chat. Elle avait empêché de manger. Et lui donnait pas à manger. Le fi ici, il a un sens de quoi ça va. Pourquoi on avait dit quoi Barakallahu fikoum. Al-huruf al-jar fi al-lughah al-arabiyyah tatanawab. C'est-à-dire, elle a plusieurs sens. Certains huruf al-jar, ils ont peut-être 8 sens. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est quoi la richesse de la langue arabe. Vous avez compris Barakallahu fikoum. Taïb. Qu'est-ce que je voulais dire On s'est arrêté où Andek Ayman. Afi tadkhul ala mada ala al asma ala al af'al ou ala al harf qui a compris tout ce que je viens de dire là t'as pas compris qui a pas compris lève la main t'as pas compris fi ça rentre dans quoi dans un verbe dans un harf dans un ism apprenez les termes les frères hein parce que ça moi j'essaie de parler avec des termes qu'on a déjà utilisés al fi'l ma ma'na fi'l verbe voilà c'est connu le harf c'est quoi un harf Mohamed, ferme, concentrez-vous. C'est quoi un harf ? C'est une particule. Là, un harf, c'est quoi ? Une lettre. Une lettre. Et un ism, c'est quoi ? Un nom. Un nom. On a quoi ? Le harf, le ism, ou le fi'l. Fi. Le fi'l. C'est compris ça, Inch'Allah ? Maintenant, j'ai posé la question à Iman. J'ai demandé, le harf, le jar, est-ce qu'il y a le fi'l, le ism ou le harf ? Fa nisma' al-jawab ? fi. Al harf al jar. Ça ne peut pas être un verbe. Ni un verbe, ni un harf. Ah, bien sûr. On a dit c'est quoi? Min alamat al asma. Vous avez compris ça? Est-ce qu'on peut dire fi dahaba? Non. Là. Est-ce qu'on peut dire fi a? Ou fi ba? Vous avez compris? Hada wal harf. Tout le monde a compris ça? Tout le monde a compris ça? Allez, j'ai une question à poser là. Comment on a su que la langue.